Chapitre 18e. Elle avait été atterrée, et à chaque instant elle s'était demandé si elle comprenait. Elle rêvait. Mais un mot plus cruel encore que les précédents venait, par la violence de la souffrance, lui prouver qu'elle était bien dans la réalité et non dans un cauchemar. Ce qui l'accablait, c'était non seulement ce qu'il disait, mais encore, mais surtout, ce qu'il ne disait pas. Il avait cru que cette paternité serait une joie pour lui. Il s'était imaginé qu'il lui répondrait en fixant la date de leur mariage. De cette paternité, il ne paraissait pas plus se préoccuper que si elle lui était complètement étrangère. Du mariage, pas un mot. Lorsque, dans sa nuit sans sommeil, elle évoqua les unes après les autres les paroles de cet entretien, ce fut à ce qu'il avait dit de cet enfant qu'elle se cramponna, pour résister au désespoir qui l'anéantissait. Quand on parlait, comme il l'avait fait, d'un enfant et des joies qu'il peut donner, on avait du cœur. Quand on comprenait si bien la maternité, on ne pouvait pas être insensible à la paternité. En ce moment, cet enfant qui n'était pas là la laissait indifférent, et cela se pouvait sans doute expliquer. Mais un jour viendrait où cet enfant existerait. Il le verrait alors, il le caresserait, il s'habituerait à lui, il l'aimerait, et pour l'enfant, il épouserait la mère. S'il n'avait pas prononcé le mot mariage, c'était qu'il avait été retenu par les difficultés de sa situation, sa famille, son héritage. Mais l'enfant lui ferait oublier ses difficultés. Ses fils lui fermaient la bouche à l'heure présente, l'enfant la lui ouvrirait plus tard. Alors il s'apercevrait qu'il avait aussi des devoirs envers ce petit être, et il n'était pas homme à résister à la voix du devoir. C'était en se disant cela, en se le répétant, qu'elle arrivait à trouver un peu de tranquillité et à reprendre un peu d'espérance dans l'avenir. Il n'était pas possible qu'il abandonnât son enfant. Ce fut aussi ce qu'elle dit à Madame Limonier quand celle-ci, au bout d'un certain temps, lui demanda où en était son mariage. Il attendra la naissance de l'enfant, parce qu'alors il lui sera plus facile de forcer la résistance de sa famille. Elle attendait, elle attendrait encore. D'ailleurs, ce système de confiance et de patience se trouva bientôt appuyé par un fait qui lui prouva qu'elle était dans la bonne voie. Un dimanche matin, jour de sortie de ses fils, il lui demanda, avant de partir pour aller les chercher, comment elle comptait employer sa journée. Le temps était mauvais et la pluie, qui durait depuis la veille, paraissait devoir ne pas cesser. « J'irai à Asnières, dit-elle, voir mes amis. Est-ce que vous rentrerez de bonne heure ? Je rentrerai quand vous voudrez. Je peux même ne pas sortir si cela vous est agréable. Ne pas sortir, non. Je ne vous ai jamais demandé cela. Mais enfin, pouvez-vous être rentré vers 4 heures ? Ce qui me serait agréable, ce serait de rentrer dîner avec vous. Il m'est pénible, très pénible, d'être privé tous les mois de ce plaisir, parce que je dois passer la journée avec mes fils. » C'était là une bien douce parole pour elle. Il la préférait à ses fils, mais elle ne pouvait rien répondre. « Plusieurs fois, continua-t-il, j'ai pensé vous les amener. Si je vous les amenais aujourd'hui, après avoir passé notre journée au Louvre, il fait mauvais temps. Avez-vous à dîner ? J'aurai le dîner que vous voudrez. Quelque chose de solide, tout simplement, un gigot avec un plat de légumes. Les gaillards ont bon appétit. Je serai là quand vous rentrerez. À 6 heures, le dîner sera prêt. C'est entendu. Voilà qui m'arrange parfaitement. Depuis longtemps déjà, je vous les aurais fait connaître, si je n'avais été embarrassé par la misère de mon intérieur, qu'il était inutile de leur montrer. Mais maintenant que vous avez rendu ma chambre plus décente par les quelques meubles que vous avez mis dedans, je n'ai plus les mêmes raisons de les tenir éloignés. À tantôt. » Elle resta toute heureuse. L'idée ne lui était pas venue que ce père ne lui amenait ses fils que parce qu'il n'en savait que faire dans la soirée, et aussi parce que c'était des gaillards de trop grand appétit qu'il n'était pas agréable de conduire au restaurant quand on n'avait pas le porte-monnaie garni. Elle n'avait vu qu'une chose, il lui amenait ses fils comme il les aurait amenés à leur belle-mère. C'était une preuve d'estime qu'il lui donnait. Il la faisait de sa famille. De là au mariage, il n'y avait plus beaucoup de pas à franchir. Elle se ferait aimer de ses enfants. Elle serait bonne. Elle serait tendre pour eux. Elle remplacerait leur mère. Et plus tard, ils aimeraient leurs petits frères ou leurs petites sœurs. Si elle ne se fit pas aimer dès ce soir-là, ce ne fut pas de sa faute. Non seulement il y eut un gigot et un plat de légumes pour dîner, mais encore des sardines, du saucisson de lion, de la salade, un moka, des confitures, les fameuses confitures offertes à notre amie Angélique, des petits gâteaux, des fruits secs, du café, du noyau donné par les limoniers, un vrai festin. Le dessert qu'ils ne mangèrent point, elle le fourra dans leur poche. à Sébastien, elle offrit pour se faire une cravate en ruban dont il avait paru avoir envie. À Frédéric, elle donna un jeu de dominos enfermé dans une jolie boîte en bois de spa qu'elle gardait comme un souvenir de sa mère. Monsieur de Mussidan voulut s'opposer à ce cadeau. « Il ne faut pas encourager les vices de ce garçon, dit-il. Il est joueur comme les cartes. Vous le ferez punir. »« Je ne jouerai pas avec ces dominos, dit Frédéric, qui s'empressa de les mettre dans sa poche. » Le mois suivant, Sébastien et Frédéric furent les premiers à demander à leur père de les amener chez lui. En arrivant, Frédéric voulut se mettre à jouer au piquet, et comme Angélique, qui n'était pas forte, perdit coup sur coup, il fut le garçon le plus heureux du monde quand il empocha les 12 sous qu'il avait gagnés. Pendant ce temps, Sébastien alla se faire recouper les cheveux rue des Abbesses parce que le perruquier qui les avait coupés la veille à la pension les avait massacrés, disait-il. « Des échelles, d'horribles échelles !» En réalité, il voulait se faire nettoyer la tête à l'eau athénienne. Quand il revint, les cheveux pommadés, il sentait tous les parfums d'une boutique de coiffeur bien garnie. Cependant, il gardait un air préoccupé qui inquiétait Angélique. Est-ce qu'il s'ennuyait ? Elle l'attira dans l'embrasure de la fenêtre pour le confesser. Alors il avoua ce qui le chagrinait. C'était que son père ne voulait pas lui donner un costume complet pour ses jours de sortie. Vous comprenez combien c'est ridicule pour un jeune homme comme moi de se promener le dimanche sur les boulevards ou aux Champs-Élysées en potache. Tout le monde vous regarde, et comme on sent qu'on a l'air serein, on est encore plus grotesque. Tandis qu'avec un veston court, un peu arrondi, un gilet à châle, un pantalon tombant bien sur le pied, avec cela une canne, on est très chic. Elle lui promit que pour sa prochaine sortie, il aurait ce costume complet. Le soir, ce fut Frédéric qui se montra préoccupé. Interrogé par elle, il lui avoua qu'il avait perdu 3 francs au domino avec un de ses camarades et qu'il n'osait les demander à son père. Elle les lui donna en promettant de n'en rien dire. Ils partirent enchantés et comme ils marchaient devant leur père, ils déclarèrent d'un commun accord que c'était une bonne fille.